Les rendez-vous de l'IRTS de Lorraine. Bienvenue dans votre rendez-vous, les rendez-vous de l'IRTS, une émission qui vous fait découvrir les métiers du social et les formations qui y mènent. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur pas mal de formations qui sont proposées et sur les nouvelles sessions d'admission. Et pour nous en parler, eh bien, nous accueillons, comme les deux premières émissions, bien sûr, Nadia et Kassem. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Petit rappel, l'IRTS, c'est à Nancy, c'est où ? 201 avenue Pinchard à Nancy, quartier Haut-du-Lièvre, enfin on dit plus Haut-du-Lièvre aujourd'hui, on dit plateau de Haie. Alors, un petit rappel aussi sur les grands secteurs de formation qu'on peut retrouver à l'IRTS. Alors, il y a différentes familles de métiers au niveau de l'IRTS de Lorraine. On rappelle aussi, parce que beaucoup d'étudiants nous le demandent, les métiers sont déclinés dans toutes les antennes IRTS hein, qu'il y a dans toute la région Lorraine. Oui, tout à fait. Voilà, pour Nancy, effectivement, on est 200 avenue Pinchard, mais on est à Metz, à Verdun, à Longwy, à Thaon-les-Vosges. On a 6 sites, effectivement, donc ils sont répartis, on va dire, sur la Lorraine Nord. Donc, Lorraine Nord, c'est Metz, Longwy, Folquemont, Verdun et Lorraine Sud, c'est Nancy et les Vosges. Et Thaon-les-Vosges. Donc voilà. Donc on a actuellement 6 sites de formation pour lesquels on dispense des formations. Alors pas toutes, puisqu'on est en plein développement. Les premiers sites délocalisés datent de 2022 suite à une demande. On l'avait déjà évoqué. On peut inviter les auditeurs sur à aller. On peut les inviter effectivement à revoir les liens sur LinkedIn ou alors sur le site de Fadjet. On a répondu aux besoins des employeurs, clairement. Donc également, je les appelle à projet, puis d'autres partenariats, enfin plus que des partenariats d'ailleurs avec la région. On est dans une période où il y a de nouvelles sessions d'admission qui ont été lancées pour donc devenir travailleur social. L'IRTS en tout, c'est 27 formations, donc c'est 27 formations, donc de niveau 3 à niveau 7, et 15 formations donc accessibles en apprentissage. Je le disais, il y a des nouvelles sessions d'admission. C'est quoi une session d'admission ? L'IRTS de Lorraine participe à une mission de service public en partie puisqu'il forme les travailleurs sociaux de la région Lorraine via la région Grand Est en fait. Mmh. Et la région Grand Est finance ses formations. Et il faut qu'on puisse informer nos concitoyens sur la formation des travailleurs sociaux qui leur est accessible puisqu'ils ont la possibilité de bénéficier d'un financement région. Les personnes visées sont les demandeurs d'emploi, les jeunes mission locale, les lycéens ou les étudiants en continuum d'études ou en réorientation et bien sûr tout public, hein, y a pas de problème. Mais par rapport au financement, il y a des règles bien entendu, je donne un exemple concret parce que ça arrive souvent, on n'en parle pas beaucoup et j'aimerais bien qu'on en reparle à un moment. C'est toutes ces personnes qui ont envie de se réorienter mais qui sont dans la vie active, c'est-à-dire elles ont un emploi. Mais voilà, elles font des bilans, elles ont envie d'évoluer, elles ont des aspirations ou que sais-je. Et la difficulté qu'on a, c'est pour beaucoup de personnes de ce type, c'est qu'elles sont en CDI et toute personne qui est en CDI et qui démissionne n'a pas le droit à un financement région Grand Est. Donc du coup, c'est compliqué pour elles. Je donne des exemples concrets. J'ai rencontré des gens qui sont dans la restauration, des gens qui sont coiffeuses, des gens qui sont infirmières, des gens... Et soit c'est leur système co prend en charge, ce qui peut être le cas pour les infirmières, oui. Mais dès qu'on est coiffeur, dès qu'on est dans la restauration, personne ne prendra une formation de 2 ans, 3 ans en charge pour permettre à l'individu ou à la personne de s'épanouir et de faire la formation pour laquelle il a des aspirations. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que, même si on est dans cette situation, il faut prendre contact avec nous parce qu'on peut les accompagner à trouver un financement. Ouais. Ça, c'est très important pour le dire clairement. Et les deuxièmes sessions, c'est ça, c'est de permettre à des individus qui ont loupé les premières sessions, donc les sessions, c'est de janvier en principe à avril, on est à peu près sur les calendriers Parcoursup, hein, pour qui ça parle, mais pour qui ça parle pas, c'est en fait aujourd'hui le système d'orientation est basé en post-bac dans ces créneaux-là avec un outil Parcoursup. Et du coup, tout demande d'inscription à l'IRTS pour les sessions d'admission se fait à ce moment-là. Les demandeurs d'emploi ne passant pas par l'outil Parcoursup passent par l'IRTS de Lorraine directement, ainsi que les jeunes missions locales. Et donc, les deuxièmes sessions, ça permet à des personnes qui n'ont pas pu faire cette session en janvier-mars, passer les oraux entre avril et juin, et savoir aujourd'hui s'ils rentrent ou pas, de s'inscrire avec un calendrier. Qui sera également visible sur le site, puisque les dossiers sont à retourner sur la période estivale, donc au plus tard le 14 août. Les entretiens de sélection se tiendront du 25 août au 29 août, et la commission d'admission donc, se réunira le 2 septembre. Donc voilà, sur des formations, alors pas sur toutes, puisque les sessions donc, de formation spécifique donc, concernent les formations d'assistant de service social, de conseiller économique social familial, d'éducateur technique spécialisée et de TISF, donc technicien d'intervention sociale et familiale. Donc c'est de vraies opportunités pour celles et ceux qui auraient raté donc les premières sessions à la mission. Parfois il y a des places qui se libèrent entre temps, c'est pour ça qu'il y a des C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en fait comme toute école, ça parlera énormément aux parents et aux lycéens ainsi qu'aux enseignants. On a obtenu des listes complémentaires et des listes principales, on les a utilisées pour pouvoir faire nos listes d'entrée de formation en septembre 2025 et il s'avère qu'il y a des personnes, je donne des exemples concrets comme ça, parle. Bien sûr, tout à fait. Par exemple, une personne aurait demandé assistant de service social ou ETS, hein, donc ça ce sont des formations post-bac, hein, éducateur technique spécialisé et assistant de service social, mais qui n'aurait pas eu son bac malheureusement. Du coup, même si elle a eu sa place, elle a obtenu l'admission, elle a réussi le concours, elle ne peut pas rentrer parce que le prérequis c'est d'être titulaire du bac. Et ouais. ça vaut dans toute, pour l'université ou pour... Voilà, c'est pas propre à l'IRTS. Hein. Tout système de formation où le prérequis était le bac, les personnes qui malheureusement ont échoué, ben voilà. Ça, c'était la plus malheureuse. Je préfère commencer par celle-ci parce qu'il y en a plein des bonnes nouvelles. C'est qu'en fait, il y a plein de personnes aussi qui ont demandé d'autres écoles. Par ailleurs, ils ont eu le droit à faire 10 vœux. Donc, ben, on est peut-être le troisième, le quatrième vœu. Et en tout cas, ils ont décidé d'aller ailleurs. Ils ont trouvé... Voilà, ils ont envie d'essayer ailleurs et c'est tant mieux pour eux. Et ils ont libéré des places. Et voilà. Et ensuite, en libérant des places, on a eu nous nos listes complémentaires, on a été prendre du monde dans les listes complémentaires et on a épuisé nos listes complémentaires. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour nous. En tant que école en travail social, je m'explique, c'est que il y a 10 ans en arrière, on n'allait pas au bout des listes complémentaires par rapport au métier d'assistant de service social. Aujourd'hui, on a été au bout. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire pour nos concitoyens qu'il y a 35 places ou 30 places financées par la région Grand Est. Je donne l'exemple à partir d'assistant de service social qui est le plus parlant. Il y a 30 places. Il y a une liste principale de 30 places, une liste complémentaire de 30 places. On a épuisé les deux listes. Et il reste quand même des places. Donc ça veut dire qu'il y a moins de demandes ? Exactement. Nous, on est ravis d'être là, on est ravis de parler de ça. Mais il faut aussi qu'on parle de ça à vos auditeurs quoi, et à nos concitoyens. C'est que beaucoup de personnes méconnaissent le métier d'assistant de service social. Et il y a une deuxième session uniquement sur le site de Metz d'ailleurs. Hein. Sur le site de Nancy, il n'y en a pas. Mmh. Hein, donc voilà, à Nancy, voilà, on a réussi à faire rentrer des personnes et on n'a plus de place. Mais à Metz, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Alors après, tout s'explique avec des analyses. Micro, macro, économique, employabilité, frontalier, voilà, Metz, Luxembourg, ça aujourd'hui beaucoup de monde, d'ailleurs de plus en plus Nancy, Luxembourg, et j'ai pris le train dernièrement, j'ai vu des personnes qui faisaient tous les jours, Bar-le-Duc, Luxembourg, hein, voilà, en voiture, qui me disaient que leur voiture était en panne et que là c'était vraiment la croix et la bannière pour aller travailler au Luxembourg. Donc il y a quelque chose qui se joue voilà, sur l'employabilité des AS, mais nous on est là pour dire que c'est un métier intéressant, que c'est un métier qui est utile, que c'est un métier qui donne du sens et qu'on est à leur disposition pour pouvoir les accompagner et comprendre en quoi ce métier peut être pertinent pour eux. Et il y a encore une méconnaissance des métiers du social en tout cas, sachant qu'on est en lien régulièrement avec nos prescripteurs, donc on a des actions hein, donc avec le campus des métiers par exemple, donc des employeurs justement pour pouvoir présenter les métiers, présenter aussi les nouvelles réformes, parce que ça bouge aussi au niveau de la formation et de présenter à nos prescripteurs, donc France Travail, les missions locales en tout cas. Donc on a des actions, on en a eu là au mois de juin, le 5 juin dernier, on en aura d'autres également en septembre, au mois de décembre, on reviendra en tout cas les présenter ici. 27 formations, donc voilà, c'est beaucoup, mais en même temps, bon voilà, elles ont des débouchés. Buts, voilà, voilà, on a des formations qui concernent les métiers éducatifs, les métiers de l'action sociale, les métiers de la famille et de la petite enfance, des métiers du management, des métiers de l'animation sociale. Là, je suis sur les gros titres, hein, je n'ai pas décliné toutes les formations. Voilà, les métiers de l'animation sociale. Et puis donc, on a également, je dirais, voilà, des formations continues également, avec des services de formation également différents, puisqu'on fait ce qu'on appelle de la voie directe, de la VAE, donc de la validation des acquis et de l'expérience, de l'apprentissage, bien entendu, donc également du contrat de professionnalisation. Les opportunités sont réelles. Si on veut avoir plus d'informations, on n'hésite pas déjà à aller aussi sur le site de l'IRTS, hein, www.irts-lorraine.fr. Exactement. On peut vous appeler aussi à l'IRTS. Ah oui, oui, oui. Et moi je les invite vraiment même à m'appeler si je cherche à appeler Nadia Kalfaï. C'est moi qui réponds aux entretiens. Ah bah voilà, en fait. Vous appelez Nadia. Voilà. Vous appelez Nadia. Et en fait, moi, j'ai mon adresse mail qui est partout. Elle est sur toutes les fiches. C'est le com@irts-lorraine.fr. Et c'est intéressant de faire ce premier entretien, pas pour ma personne, bien entendu, hein, je dis ça avec beaucoup d'humilité, c'est intéressant pour les personnes accompagnées parce que quelquefois on pense qu'on veut être éducateur spécialisé et en fait quand on peut être AS, Les aspirations qu'on a, ce qu'on a vraiment envie de faire en termes d'accompagnement, ça correspond à ça, mais on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas la déclinaison de métier. Vous voyez, c'est comme des personnes qui, des fois, pensent qu'ils ont envie d'être infirmiers, et en fait, ils pourraient être thérapeutes, naturopathes, ergothérapeutes, ou kinés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils mettent la barre à un métier visible, comme ça, mais voilà, parce qu'on leur donne de la formation, mais certains ne creusent pas assez, d'autres creusent, mais ne comprennent pas tout aussi, parce que quand on n'est pas familier d'un domaine, c'est pas évident, hein. Et donc du coup, moi je leur dis toujours, il faut faire cet entretien parce qu'il n'y a pas de questions bêtes à ce moment-là. C'est pas le jour de l'entretien d'admission où on va poser des questions, on va dire mais je me suis pas posé cette question. Justement, cet entretien va permettre que je vous pose des questions, je vous amène à vous dévoiler. On est souvent en visio, en téléphone ou en direct, ça c'est comme la personne a envie, comme ça l'arrange ou là où elle est à l'aise. Et en fait, je vais avec elle sonder chez elle les valeurs sociales qui existent réellement, parce qu'on est dans un pays où quand même on est très dans la... On a été construit dans la solidarité, on a des vraies valeurs, vous voyez. Et donc du coup, ça, on va le rechercher chez eux parce que, mine de rien, on est dans une société qui nous a construit comme ça, mais on est dans un monde individualiste. Donc ces deux oppositions, elles se travaillent, vous voyez, elles se discutent. Donc si vous avez envie de vous lancer dans les métiers du travail social, il y a un dossier à rendre avant le 14 août, mais avant cela, on appelle Nadia. Enfin, en tout cas, voilà. On appelle Nadia ou alors on téléphone aussi à l'IRTS, sinon on va se retrouver débordé d'appels. Je vais redonner les numéros des deux sites principaux qu'on a, donc l'IRTS de Lorraine à Ban-Saint-Martin, donc qui est Metz, hein, donc voilà, 03 87 31 68 00, et à Nancy, donc le 03 83 93 36 00. Une petite une information importante à donner quand même, puisque donc c'est les vacances et on va avoir une période de fermeture également, donc à compter du 25 juillet. Du 25 juillet. Voilà, du 25 juillet, effectivement, et on réouvre le lundi 18 août. Les dossiers d'inscription pour les sessions supplémentaires, là, c'est avant le 14 août. Ah, c'est pour ça que j'insiste en disant que moi, je suis d'Astrate et que je répondrai au téléphone pendant la période estivale. Voilà, c'est parce que comme on doit s'inscrire avant le 14 août et que nous, on ouvre le 18 août, s'il y a des personnes qui ont des problématiques pour s'inscrire au moment où on est fermé, ils peuvent m'appeler ou m'envoyer un mail dans le com@, je le consulte tous les jours, en fait, en fin de journée. Je serai en vacances aussi et j'assiste. mais je trouve normal de ma place qu'une école ouvre une session supplémentaire. Elle ne peut pas ouvrir une session supplémentaire et partir en vacances. Les personnes ont besoin, quelqu'un va découvrir cette information au cours des vacances, et ben voilà. Donc on m'écrit sur le com@, et ensuite moi je mets en place des journées où je vais me mettre en stand-by et je vais faire des entretiens avec les personnes. Il n'y a aucun souci, ça vaut vraiment le coup pour eux et surtout pour nous, parce que plus on a un accompagnement en amont, plus la personne va vers un métier qu'elle a réellement choisi, qui correspond vraiment à ses appétences, ses compétences, à ce qu'elle a envie d'aller chercher, plutôt que de laisser les personnes s'inscrire comme ça à tout va. C'est pas l'objectif de l'IRTS, et puis avoir des personnes qui, au bout de 2 mois de formation, se disent en fait, quand c'est pas vraiment ça que je veux faire. Vous voyez ? Ça, on n'a pas envie. Ou alors un problème d'orientation aussi. Voilà. Moi, je préfère être sur la phase d'orientation. Bien sûr, je vais tout faire pour que, si elle a des valeurs qui correspondent au travail social, à ce qu'elle reste à l'IRTS, mais un petit appel à tous les organismes concurrents ou pas, c'est que si une personne doit être infirmière à la place d'éducateur spécialisé, je n'hésite pas à lui dire qu'il existe des IFSI et je la mets en contact avec les IFSI avec qui je travaille très bien. Merci beaucoup Nadia, merci Kassem. On redonne l'adresse du site internet, c'est www.irts-lorraine.fr. On mettra aussi sur le site de la radio tous les métiers qui existent. On pourrait passer des heures, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Oui. Donc on mettra aussi le lien vers ce fichier. Et si on a des questions, on vous contacte. Alors il y a le maximum d'informations concernant effectivement la plaquette. On vous en remercie Nadia et moi de pouvoir la diffuser en ligne. Donc les horaires d'ouverture également, les numéros de téléphone, les QR codes, enfin tout est complet en tout cas. Voilà. Je pense que la personne qui va naviguer sur ce document-là, il trouvera en tout cas un maximum de réponses déjà. On vous souhaite quand même un bel été. Merci à vous, Antoine, pareillement. Et rendez-vous en septembre. Avec à bientôt. Merci, bonnes vacances à tout le monde. Au revoir.